الحمد لله الذي فرض الجهاد على أمة الرشاد، وأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والصلاة والسلام على المبعوث لحرب أهل الكفر والعناد. أما بعد، لقد خرج علينا هذه الأيام من ينعق على شاشات التلفاز والفضائيات، يقتطع الكلمات من كتب الأمهات، ويجمع بين المختلفات، ويفرق بين المتشابهات، ويعرض عن المحكمات ليرضي أصحاب الشهوات، ويلقي على المسلمين الشبهات، ويأتي بالطامات من تعطيل الآيات البينات في ذروة سنام العبادات. فكان لزاما علينا أن نبين من هو المحارب ومن هو المعاهد، ولكي تعلموا أن الدار دارين، دار كفر ودار إسلام. Mes sœurs, bi'idnillah, nous allons voir durant ce cours les catégories, le statut de al-kuffar. Et comme vous le savez, ad-daru darain, daru kufr. Donc, il y a deux territoires, territoire de mécréance et territoire d'islam. Daru kufr est un territoire où al-sharia ne s'applique pas. Par opposition, contrairement à Dar al-Islam, Dar al-Islam c'est un territoire qui désigne les régions, l'endroit où la législation d'Allah Jalla wa Ala est appliquée. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الدمة الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد وأهل عهد ثلاثة أصناف أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit les mécréants sont soit des combattants guerriers, ennemis, soit des gens sous pacte. Et il dit, rahimahullah, dans son livre, Ahkam al-Zimma, il dit les gens sous pacte se divisent en trois catégories. Les zimmis, les gens de trêve, les guerriers qui sont sous pacte de protection pour une cause bien définie. والكفر أحبتي ملة واحدة والكفار أنواع. La mécréance est une seule religion et les types de mécréants sont plusieurs. فهناك الحربيون وهناك الذميون وهناك المعاهدون وهناك المستأمنون. والقسم الأول الحربيون. La première catégorie c'est الحربيون, c'est ceux qui font la guerre. C'est des ennemis guerriers. وهو الأصل فيهم أي المحاربة القتال. إذ أوجب الله تعالى الجهاد على الأمة حتى لا يصير الناس إلا إلى مسلم أو مسالم بجزية، وهذا بإجماع الفقهاء. On verra بإذن الله كلام ابن تيمية رحمة الله عليه والشافعي في الأم. Donc les guerriers, les harbiyouns, c'est tout pays qui n'a pas de pacte avec les musulmans, tout simplement. Et même si on n'est pas en état de guerre avec lui, c'est un muharib. Même si on n'est pas en état de guerre avec lui. وتنبه يا أخي الكريم أن محاربة الكفار لأي دولة أو ولاية أو إمارة مسلمة هي حرب على كل المسلمين. Donc si le pays mécréant fait la guerre ou lance une attaque sur une wilaya, sur une imara, dis-toi que c'est une guerre qui est déclarée contre tous les musulmans du monde entier. Hada as-sunf al-awwal, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ahlul aman. Ahlul aman, huwa al-harbi. Alladhi dakhala bilad al-muslimin bi aman, li tariq. إذا أراد أن يسمع كلام الله أو كان لنا فيه مصلحة بشروط معروفة. La deuxième catégorie, c'est les gens sous protection. C'est les gens sous protection. أهل أمان. C'est qui ces gens-là? C'est les guerriers. Ceux qui font la guerre. Ceux qui combattent. Qui rentrent dans un état islamique par nécessité. pour écouter la parole d'Allah Jalla wa Ala, où il y a une maslaha. قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. وهذا في سورة التوبة verset 6. ثم عندنا أهل عهد وصلح وهم الحربيون الذين اضطررنا لأن نصالحهم أثناء الحرب، وهذا يكون بين دولة الإسلام ودولة المعاهد، ونعاهده على وضع الحرب لمدة معينة كما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام قريشا على وضع الحرب 10 سنين، فصاروا بهذا الصلح معاهدين. Donc la troisième catégorie des gens de mécréance, le troisième statut, c'est les gens sous pacte, al-mu'ahidun. C'est les ennemis guerriers avec qui on s'est réconcilié pendant la guerre pour une période, pour une durée définie, comme il l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam avec Quraysh pendant 10 ans, wa hadha fi sulh al-Hudaybiyah. Donc ils sont devenus, grâce à ce pacte, mu'ahidin. Et bien, nisbati lil mu'ahid, yaqulu an-nabi alayhi salatu wassalam, man qatala nafsan mu'ahidan lam yarih ra'ihata al-janna wa inna rihaha tujad min masirati 40 ama ou 40 sana. Dans sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui tue un mu'ahid, c'est-à-dire un mécréant ayant un pacte avec les musulmans, ne sentira pas l'odeur du paradis et son odeur se sent à une distance de plus de 40 ans. وقال النبي عليه وقال ابن القيم عفوا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم اذا صالح او عاهد قوما فنقدوا او نقد بعضهم واقره الباقون وردوا به غزا الجميع وجعلهم ناقدين كلهم كما فعل في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في الناقدين الناكثين انتهى كلامه. ابن القيم رحمه الله dans son livre زاد المعاد il dit: la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un pacte avec un peuple et que ce peuple révoque, annule le pacte, ou même s'il est annulé par une minorité de ce peuple, il les combat tous, à l'unanimité, tous. Et il considérait, alayhi salatu wassalam, comme quoi tout le peuple avait annulé le pacte. Comme il l'a fait avec Banu An-Nadir, wa Banu Qurayda, wa Banu Qaynuqa, et les gens de la Mecque. Et ceci est sa sunna. Regardez ce qu'il dit, Ibn Qayyim. Et ceci est sa sunna par rapport à ceux qui annulent les pactes. Par rapport à ceux qui annulent les pactes. Puis, quatrièmement et dernièrement, dernier statut, c'est Ahlu Zimma. C'est Ahlu Zimma. وهم الذين يعيشون بين المسلمين في ديار الإسلام ويستوطنونها مقرين بجريان أحكام شريعتنا عليهم فإن كانت الأحكام قوانين وضعية طاغوتية فليس لهذا القسم مدخل. فليس لهذا القسم مدخل. فهؤلاء أهل ذمتنا بمعنى يجب علينا حمايتهم مقابل دفع الجزية والالتزام بشروط عقد الذمة. Ensuite, la quatrième catégorie c'est أهل الذمة. أهل الذمة en arabe c'est un citoyen non musulman, un kafir, d'accord, dans un état musulman, qui est lié à ce dernier par un pacte de protection. Et en échange, il doit respecter la législation islamique et verser un impôt, al-jizya, en étant humilié. Et donc les gens qui sont comme ça, donc on les appelle ahlu zimma. Et l'appellation zimma, ça s'applique essentiellement aux gens du livre, ahlul kitab. Wa al-nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sabata alayhi annahu akhada al-jizya min majus hajar. Le prophète, alayhi sallam, on a un récit authentique comme quoi il a pris al-jizya, c'est-à-dire l'impôt de al-majus, ubadun nar, les adorateurs du feu. Donc, al-dhimmi, c'est celui qui vit parmi les musulmans, c'est un kafir, yani al-kitab, et il s'acquitte à verser un impôt, wa huwa haqir, dalil. Donc, al-dhimma, c'est un engagement, un pacte, qui fait avec les musulmans. On le traduit en français par pactisant ou tributaire ou protégé. Donc les gens du livre qui vivent dans un état islamique, qui reconnaissent et approuvent l'application des lois d'Allah sur eux, donc si par exemple c'est un état tarouti dans lequel on applique les lois humaines, on n'applique pas cette règle, ce n'est pas des gens de Ahl Zimma. Donc ceci est appliqué dans un état islamique qui jugeait avec les lois d'Allah, Jalla wa Ala. Ces gens-là, al-zimma, ils doivent donner al-jizya, un impôt, en échange de leur sécurité. En échange de leur sécurité. Qala subhanahu wa ta'ala, qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluh. Wa la yadinuna din al-haqq min alladhina utu al-kitab. Hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum saghirun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, le kitab, jusqu'à qu'ils versent le jizya par leurs propres mains, après s'être humiliés. Après s'être humiliés. Wahada fi surat al-Tawbah, verset 29. وقد ذكر الفقهاء أن أهل الذمة يمنعون من بناء الكنائس. Donc les dhimmis, comme ça a été rapporté par les juristes, doivent respecter toute une série d'interdictions. Et parmi celles-ci, ne pas porter d'armes, ne pas monter sur un cheval, ne pas construire de nouveaux lieux de culte, comme par exemple des églises, ne pas élever la voix lors des cérémonies. Et aussi ne pas ressembler aux musulmans dans leur habit. فهذه هي الأحكام وهذه أحكام تفصيلية وإلا فهي وإلا فالحكم إما الحكم الكافر إما حكم إما محارب أو معاهد. Donc ça c'est les détails en fait. On a c'est soit un mécréant sous pacte, on a soit un mécréant sous pacte, soit un mécréant guerrier. والشافعي نختم بهذا الكلام يقول في الأم الأصل الفرد في قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى وحكم دار الحرب أنها دار إباحة فيما بين الكفار والمسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية في إصلاح الرعية في إصلاح الراعي والرعية قال فكل من بلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.